Contretemps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gémozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici en votre compagnie, mardi de midi à 13h. Bonjour Lia. Bonjour Catherine. Comment ça va? Ça va super, je reprends le micro à ma rentrée avec toi, donc je suis ravie. Avec le soleil. Avec le soleil. Quelle belle journée. Mais oui. Vraiment. Et aujourd'hui, nous allons parler d'épuisement, mais nous allons un petit peu dériver sur des concepts qu'on n'avait pas encore automatiquement aperçu avant. Ouais. Et je suis sur la page internet du ministère du Travail et des Solidarités. Et là, je lis trois sortes. Donc, le burn-out, évidemment, l'épuisement est un syndrome d'épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel, selon la définition retenue par la Haute Autorité de Santé. Eh bien. Mais ensuite, on parle de concepts voisins qui ont été popularisés par les médias. Le « bore-out » traduit directement « l'ennui ». D'accord, je n'avais jamais entendu parler de celui-là. Voilà, qui désigne une situation d'épuisement professionnel associée à l'ennui, à la sous-utilisation d'une compétence, des compétences ou un manque de stimulation dans le travail. Ouais, t'en avais déjà un petit peu parlé, hein, ça avait déjà été évoqué à quelques moments, mais jamais focus sur ce sujet particulier. Quoi. Voilà. Et on a aussi le brown out. Alors, non, c'est pas les brownies, hein, mais c'est le brown out. Okay. Qui renvoie à une perte de sens perçue dans l'activité professionnelle, pouvant entraîner un désengagement et une exécution des tâches de manière automatique. Mmh. Donc, en fait, si on regarde bien les trois concepts, ils reviennent à la même chose fondamentale dans le fond, c'est-à-dire une pression qu'on se met ou qui nous est mise par l'extérieur. Donc, dans le cas du burn-out, c'est une pression qui est mise souvent par l'extérieur avec une surcharge, avec des demandes, avec quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, d'accord ? Ou en tout cas, un too much, un trop, voilà. Pour parler un peu anglais, hein, on va le faire. Bon, voilà. Et puis, le bore-out, en quelque sorte, on a la même pression. Alors, on va essayer de comprendre un peu la même pression. Pourquoi ? Parce que on s'ennuie mortellement, on arrive au boulot le matin, on va faire des trucs mais qui sont en dehors de nos compétences, dans le sens, je sais pas, je suis diplômée de X, Y, Z choses, et en final, on me fait saisir des données tous les jours. Mmh. La même chose, un ennui mortel. Et donc, c'est en dessous de mes compétences. Et en même temps, c'est pas une stimulation, hein. Ouais. Parce que je vais en rentrer 1000 aujourd'hui et 1000 demain. Mais limite, j'en rentre 815 ou 1200, ça reviendra au même. Ouais. Mon travail, il est stupide, en gros. Oui, sans sens, quoi. Sans sens, voilà. Et il y a aussi, dans cette case-là, les personnes qui sont au chômage. Parce que c'est une pression chronique. D'accord. Ben oui. Une mère de famille a deux enfants, elle est au chômage, elle sait qu'elle en a pour une année, mais elle sait qu'elle doit retrouver du travail. Ça l'obsède. Oui. Elle a deux enfants qui sont là, elle sait qu'au RSA, ça va être la grosse galère. Enfin, j'entends toutes ces situations où on est avec de la pression, mais pas automatiquement du travail. Mmh. Et on revient sur le côté physique dont parle l'INRS, cette pression qui met à mal notre organisme physiologiquement, en nous faisant consommer trop d'adrénaline et de cortisol parce qu'on est sans arrêt au taquet. Oui. Hein? Et donc, le corps qui dysfonctionne et qui fait toutes sortes de maladies et de choses pas possibles. Symptomatise, quoi. Voilà. Le burn-out, le désengagement, une exécution de tâches de manière automatique, voilà aussi, c'est un petit peu ça. Donc, on se trouve dans trois situations qui ne reflètent que d'un problème avec notre corps et notre psychisme, parce que c'est induit, et c'est là qu'on dit que c'est une pathologie de société, c'est induit par une société qui nous demande d'être productif. Performant, oui. Performant, compétitif, aller à la concurrence, avoir un culte de l'urgence, avoir en même temps une manie d'évaluation. Toutes ces choses vont se retrouver. Donc, en fait, on se rend compte que c'est dans l'organisation même de la société qu'il y a un vrai problème. Eh ben ça, c'est sûr. Voilà. Donc on peut peut-être mieux comprendre des personnes qui sont dans des situations, pas automatiquement avec un travail exigeant, mais qui sont aussi avec un travail, qu'est-ce qu'on va dire Vide de sens, quoi, un travail automatisant, un travail en dessous de nos compétences, je ne sais pas. En tout cas, on va essayer de mieux comprendre ce phénomène et nous avons une invitée par téléphone que nous allons appeler maintenant, qui en fait est venue en woofing à Ralentir pour vivre et qui par hasard, en discutant, nous a expliqué « Oh ben moi non, j'ai plutôt fait un bore-out ». Et donc elle va nous expliquer un peu ce que c'est. Okay. On va faire une petite pause musicale et puis une petite description du bore-out pour comprendre mieux et nous la retrouvons juste après. Le cœur en morceaux, t'as plus d'envie. Chaque matin c'est une guerre, c'est pas une vie. Tu caches tes larmes sous un sourire poli. Mais je vois bien qu'à l'intérieur, c'est l'orage qui crie. Tu dis que t'en peux plus, que t'as plus d'air. Que chaque regard te juge, te laisse à terre. Mais moi je suis là, même si je parle pas trop. Je vois tout ce que t'encaisses sans dire un mot. Et même si t'as l'impression d'être seule, y'a ma main qui tient la tienne quand tu frôles le seuil. T'as le droit d'être fatigué, de tomber. Mais n'oublie pas ce que t'es. Reste forte même si t'as mal, même si la vie te fait croire que t'es banale. T'as une lumière que personne voit, mais moi je la vois, je te jure elle est là. Reste forte même si tu cries, dans le silence t'écris ta survie. Un jour tout ça sera loin derrière et tu verras, t'auras traversé la mer. Tu doutes de toi, tu penses que te vaut rien. Mais y a tant d'amour qui dort dans tes mains. T'as déjà fait 100 pas avec les genoux pliés. Mais t'es encore debout, faut pas l'oublier. Y'aura toujours des ombres et des échecs. Mais t'as le courage de ceux qu'on respecte. T'as pas besoin d'être parfaite pour être belle. T'es déjà un miracle même quand t'vacilles sous le ciel. Et même si t'as du mal à y croire, je croirai pour toi jusqu'à revoir ton espoir. T'es plus forte que ce qu'on t'a laissé croire. Et je serai là pour te le redire chaque soir. Reste forte même si t'as mal, même si la vie te fait croire que t'es banale. T'as une lumière que personne voit, mais moi je la vois, je te jure elle est là. Reste forte même si tu cries, dans le silence t'écris ta survie. Un jour tout ça sera loin derrière et tu verras, t'auras traversé la mer. Ou si le métier ne vous intéresse pas ou si l'environnement justement n'est pas assez stimulant pour vous, bah peut-être que vous allez vous ennuyer, avoir le sentiment de stagner, de tourner en rond et vous allez finir par vous sentir mal. Donc dans ce cas-là, on va parler de bore-out. Mais à l'inverse, si l'environnement est très stressant, si vous manquez de reconnaissance, si vous vous sentez débordé en permanence avec la sensation de ne pas avoir de prise sur votre quotidien, et ben là, vous allez risquer plutôt le burn-out. Voilà, chères auditrices et auditeurs, nous venons d'entendre la différence entre bore-out et burn-out. Et maintenant, nous retrouvons Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Voilà. Alors, Sarah, je te laisse peut-être te présenter en premier lieu. Oui, donc moi je m'appelle Sarah, j'ai 35 ans et je suis originaire de Belgique. Là, je suis psychologue du travail et ergonome organisationnel. Donc, et j'ai fait un bore-out il y a à peu près 8 ans. Donc, il y a 8 ans, tu t'es trouvée dans une situation qui était, raconte-nous un peu dans quelle atmosphère tu étais, dans quel environnement. Alors, le contexte, c'était mon tout premier emploi, en fait, et je travaillais, donc je suis rentrée en septembre 2016 et je faisais du conseil managérial. J'étais dans une administration publique en Belgique. Ça a été une expérience très particulière, évidemment. Donc la première année, tout s'est plutôt bien passé. C'était un nouveau poste qui avait été créé, donc j'ai pu le faire à mon image. J'étais très active. Et puis après un an, ça a commencé un peu à se dégrader. Donc il faut se rendre compte que les administrations publiques, ce sont des milieux très politisé, et donc des fois faire bouger les choses, ce n'est pas évident. Le management, des fois il y a des personnes qui sont à des postes et qui sont indéboulonnables, et donc très vite j'ai été confrontée à certaines limites dans mon travail, et petit à petit j'ai eu le sentiment que j'avais été engagée plus pour la façade, pour dire on a engagé quelqu'un pour faire des choses, mais qu'il n'y avait pas une réelle volonté de remédier à un management toxique. D'ailleurs, par la suite, j'ai appris que mon embauche avait fait suite à un article de presse qui avait justement dénoncé un management toxique dans cette administration-là. Donc ça, c'est un peu le contexte dans lequel j'ai évolué. Moi, j'avais pas vraiment de directeur non plus, ce qui fait que j'avais pas un interlocuteur privilégié non plus dans l'administration. En quelque sorte, tu étais noyée dans la foule, quoi, en gros. En tout cas, j'étais laissée à moi-même, j'avais mon poste, j'avais pas vraiment d'interlocuteur, comme je disais, je n'avais de compte à rendre à personne. Et petit à petit, donc après un an, c'est vrai que ça a commencé à être difficile de trouver des missions au sein de l'administration, parce que voilà, comme il n'y avait pas une grande volonté de changer, on préférait que je ne fasse rien et que je sois à mon bureau plutôt que d'essayer de faire des choses. Parce qu'en tant qu'ergonome, on a une approche très participative et globale, donc on va travailler avec le management, avec les personnes de terrain, on va essayer de trouver comment faire une meilleure circulation des informations. Oui, justement, je voulais juste pointer sur ton métier, donc psychologue spécialisé en ergonomie organisationnelle. Ergonomie, on connaît le mot, donc l'ergonomie, c'est bien s'asseoir normalement, la position, les choses comme ça, mais ça existe aussi. Ça, c'est l'ergonomie physique. Oui, voilà, dans la posture physique, mais ça existe aussi dans l'organisation, c'est-à-dire ce qui est logique. Qu'est-ce qui est le plus pertinent, la dépense d'énergie, comment elle est gérée, hein, c'est ça aussi. Oui, on va travailler sur les process, sur la communication interne, sur les flux. Et donc, en ergonomie, en effet, tu as raison, il y a trois champs de l'ergonomie. Il y a l'ergonomie physique, comme toi tu en parles, donc... c'est adapter l'environnement physique à la personne, donc la hauteur des bureaux, etc. Il y a l'ergonomie cognitive, qui est rendre l'information plus facilement compréhensible par le cerveau. Donc ça, on le trouve beaucoup sur les interfaces d'ordinateur, par exemple. Si un site internet est bien fait, c'est souvent qu'il y a eu de l'ergonomie cognitive. Et l'ergonomie organisationnelle, c'est en effet tout ce qui est organisation. Moi, dans ce contexte-ci, j'avais été embauchée sur base de mon diplôme de psychologue du travail, donc pour faire du conseil managérial. Je dirais que, évidemment, mon approche d'ergonome, je l'ai utilisée dans ce contexte-là, mais ils n'étaient pas très, très réceptifs à quelque chose de participatif, parce que dans le public, c'est très descendant comme posture, et c'était difficile de faire changer les lignes à ce propos-là. Et donc, c'est vrai que c'est comme ça que petit à petit, j'étais vraiment mise au placard. Quoi. C'est l'expression, j'étais avec deux collègues sur la fin qui étaient revenus des anciens directeurs qui étaient revenus de burn-out. Et on n'avait pas de tâches, on n'attendait rien de nous, en fait. Il n'y avait pas d'attente sur des rendus ou quoi que ce soit. Ou des fois, le peu d'attente qu'on avait de nous, on n'en prenait pas compte. Par exemple, j'avais fait tout un plan de prévention ou de rétention des travailleurs ou de remise en route des personnes absentes longue durée, par exemple. On n'en prend pas en compte tes compétences. On va dire, oh ben, sur tous les programmes, on va prendre trois mesures, on va mettre ça en place parce que c'est facile. Et on va dire, oh, on a été conseillé par un spécialiste qui nous a conseillé ça. Et ça, c'était très difficile à vivre pour moi parce qu'évidemment, quand on fait un plan, les mesures, elles ont du sens dans leur contexte, pas isolées comme ça. Ah oui, ça, dans leur ensemble. Dans leur ensemble, oui, tout à fait. Et je voudrais juste revenir sur un point. Les deux personnes qui étaient revenues dans ton service qui avaient été en arrêt burn-out, si j'ai bien compris. Oui, c'était ça. Mais eux, c'était des directeurs. D'accord, mais en fait, c'était des anciens directeurs, oui. Des anciens directeurs de ton service qui étaient revenus. Et en quelque sorte, c'était un petit peu de ça dont tu voulais nous parler dans l'environnement toxique. Il y avait quelque chose déjà qui couvait. Oui, il y avait, c'est-à-dire un environnement toxique. Hein, ça, mais comme je pense, en beaucoup. Enfin, je n'ai pas trop envie de m'attarder sur mon administration parce que je pense que ce qui est important de se dire, c'est que ça peut arriver dans n'importe quel environnement et que dans l'administration publique, c'est assez structurel et qu'on constate que des burn-out, il y en a beaucoup dans des entreprises privées, mais des burn-out, on en voit beaucoup dans des structures publiques parce que, ils se permettent de garder des personnes qui n'ont pas les compétences ou des personnes qui sont surdiplômés à des postes qu'on les stimule pas suffisamment. Enfin, je veux dire, c'est assez structurel de dire on ne vire personne de toute façon. Oui, mais c'est intéressant. C'est intéressant d'entendre ça parce que ça met quand même sur le tapis un sujet qui est quand même quel est l'intérêt d'aller travailler si on y fait quelque chose d'inutile. Oui, c'est tout ce qui se passe dans le burn-out. Moi, il faut se rendre compte que au départ, je prenais ça pour quelque chose de très personnel. Je me dis, oh, en fait, je commence une dépression, je ne suis pas bien à cause de problèmes personnels, je ressens de l'anxiété diffuse. Et alors que c'est mon métier, que j'ai travaillé sur l'engagement, que j'ai fait un mémoire sur le bien-être au travail, etc., moi-même, je n'ai pas décelé les signes chez moi que c'était un problème lié au travail. Et ça, c'est important de le dire que je pense qu'encore plus dans le burn-out que pour le burn-out, il y a un grand déni. Parce que socialement, c'est pas très admissible et pas très entendable de dire que tu te rends malade parce que tu t'ennuies au travail. On va dire, ça, oh, mais t'as de la chance, moi aussi, j'aimerais bien avoir des jours un peu plus calmes. Oui, c'est certain. Ça, c'est certain que ce n'est pas admissible et pas entendable et qu'en même temps, ça surprend. Seulement, c'est ce que j'expliquais, la pression qui est mise sur l'être humain est de la même consistance que le burn-out dans le sens que c'est une fabrication trop importante d'adrénaline ou de cortisol parce qu'on se trouve piégé dans une situation qui ne nous convient pas et ça nous fait turbiner du cerveau. Tout à fait. Mais en fait, finalement, les symptômes sont très, très semblables au burn-out. Hein. La grande différence, je pense, c'est qu'au niveau de... c'est plus difficile d'en parler et qu'on est très jugeant envers soi-même. Moi, je veux dire, c'est vrai que donc c'était une petite descente aux enfers. J'ai eu... ça a été difficile et je me jugeais très fort moi-même et donc j'avais l'impression que si j'en parlais, les gens allaient me juger comme moi je me jugeais. Or, quand j'osais en parler, je ne sais pas si c'est parce que j'ai des merveilleux amis ou si c'est parce que j'ai une famille formidable, mais j'ai eu vraiment beaucoup de soutien et d'empathie, ce qui me surprenait parce que moi j'étais très dure avec moi-même. Donc, je l'ai trouvé trop gentil par rapport à ma situation, parce que je me rendais compte de la chance que j'avais d'avoir un CDI, d'avoir un bon salaire, d'avoir 27 jours de congé par an, d'avoir des horaires flexibles. Enfin, je me disais, oh, j'ai tous ces avantages, et pourtant, je vis du mal-être. Et c'est pour ça qu'au départ, j'étais dans le déni et que j'ai pris ça pour des raisons personnelles. J'étais là, oh, c'est moi qui ne vais pas bien. Et le boulot, c'est pas terrible, mais c'est pas l'origine de mon mal-être. Pour moi, c'était... un problème personnel. Oui. Oui. Quand tu parles des symptômes qui sont identiques, moi, je t'écoute. Quand tu dis que tu avais des conditions fabuleuses, personnellement, il y a 20 ans, quand j'ai fait un burn-out, j'étais dans une holding américaine. On ne devait pas se plaindre parce qu'on avait beaucoup de chance. Tu vois ? Oui, donc, on était probablement dans la même situation, en tout cas. Tout à fait, je me sentais chanceuse, surtout que j'avais des personnes avec qui j'avais fait mes études en psychologie. En psychologie, c'est très très difficile, les cliniciens, ils ont très difficile à trouver leur premier emploi. Et souvent, l'université propose un an de stage supplémentaire à la fin des études. Donc j'avais beaucoup d'amis qui étaient encore en stage, qui n'étaient pas payés, qui avaient des horaires horribles, ou quand ils trouvaient du boulot, c'était des CDD mal payés, à temps partiel. Et donc j'avais en plus cet environnement autour de moi, j'avais ces personnes qui avaient des difficultés à trouver de l'emploi. Donc je me rendais compte de cette chance et avec eux, je n'osais évidemment pas parler de ça. Et aussi, je vivais en colocation, ils avaient une coloc, elle était kiné, et elle était indépendante et donc elle n'avait pas toute la sécurité sociale dont moi je bénéficiais, ou mes jours de congé, mes jours de maladie. Donc c'est vrai que il y a un peu ce côté où on se rend compte de la chance qu'on a et pourtant on n'est pas bien. Oui, je comprends. Et donc, je comprends. On va peut-être approfondir un peu le sujet après une petite pause musicale. On te retrouve, Sarah. D'accord ? Très bien. À tout de suite. À tout de suite. Étrange, trouve ça un peu troublant. Les rêves où je me tiens deviennent les plus apaisants. C'est dur de respirer dans ce monde si étouffant. Tu te sens envie vraiment, vraiment, vraiment dans ça. Les enfants attendent qu'on les libère. Bon anniversaire, encore un jour en terre. On leur apprend. Alors, chères auditrices et auditeurs, voilà, nous allons retrouver Sarah. Oui. Voilà. Alors, si on a bien compris, tu réalises que tu étais dans une mauvaise situation, tu le prends pour toi personnellement. Par contre, tu es entourée d'une famille qui te soutient et qui voit les choses peut-être un petit peu différemment. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ma famille voit que je suis pas très bien, ils s'inquiètent un peu pour moi. Donc, ça, c'est aussi la difficulté de porter l'inquiétude de sa famille. Parce que du coup, je vais donner le change un peu pour les rassurer, pour pas trop les inquiéter. En parallèle, au travail, j'ai commencé à mettre inconsciemment un peu des stratégies pour gagner du temps, quelque part, pour faire de l'évitement du travail. Donc, par exemple, dans mon travail, on avait le droit de faire du temps supplémentaire et de récupérer jusqu'à un jour et demi par semaine, par mois. Donc, c'est quand même beaucoup. Et donc, c'est vrai que comme stratégie, par exemple, chaque jour, je comptais un peu les minutes pour faire genre une vingtaine de minutes de plus par jour pour pouvoir prendre ce jour et demi de récupération par mois le mois suivant. Oui. Par exemple, aussi, j'essayais de faire du covoiturage parce que ça me motivait à partir plus tôt le matin. Et donc, ça veut dire que je rentrais plus tôt à la maison, que quand je ne faisais pas de covoiturage, j'avais cette difficulté à me mettre en route. J'ai aussi examiné un peu toutes les solutions pour gagner, pour avoir des dispenses de travail. Par exemple, si j'allais faire des dons de temps ou des dons de plaquettes, je pouvais avoir jusqu'à 2 à 4 heures de dispense. Donc, j'en étais arrivée à chaque mois, j'allais faire un don de temps ou un don de plaquettes parce que ça me libérait de 2 à 4 heures. Mais ce sont des petites choses, mais c'est quand même incroyable que c'était vraiment ça ma motivation. Oui, mais ça a été intuitif. Tu l'as fait intuitivement, tu ne l'as pas fait en réaction à une compréhension. Non, non, c'était vraiment, ça a été des stratégies qui se sont mises en place petit à petit. Je m'inscrivais à des ateliers prévus, par exemple, on a eu un atelier pour remise en ordre des vélos et les employés pouvaient s'inscrire s'ils avaient envie, donc je m'inscrivais à ce genre de choses. J'allais voir des collègues dans les d'autres services. Je donnais aussi des cours du soir, enfin j'avais 30 heures à donner en cours du soir aussi, donc là je préparais mes cours pendant le temps de travail. Enfin, j'essayais de combler. Et aussi, j'ai les premiers symptômes qui sont apparus. Donc, je commençais à avoir, j'avais de la fatigue, du stress, de l'anxiété, un état dépressif. J'ai pris beaucoup de poids aussi. J'ai pris entre 15 et 20 kilos pendant que j'étais là. Oui, donc c'est vraiment les mêmes symptômes que l'épuisement banal qui est le burn-out à côté. C'est exactement la même chose. Oui, et donc j'ai aussi commencé à avoir des maux de tête. Oui. Donc mon médecin, il a dit oui, ce sont des céphalées de tension. Donc c'est vraiment lié à l'anxiété en fait, qui nous donnait des, ça irradiait sur la moitié de la tête comme ça. Enfin c'était des maux de tête comme ça. Donc ça a été les premières stratégies, les premiers symptômes. C'était la première phase. À un moment, bon, je dis ok, ça va pas dans mon boulot, je vais en chercher un autre. Donc ça c'est, j'avais encore un peu d'énergie pour ça. Et en fait, ça a été difficile parce que la première fois que j'ai postulé ailleurs, l'entretien s'est très mal passé. J'avais déjà pas trop d'énergie. T'as déjà un peu perdu confiance en toi. Tu te dis déjà que cette situation-là, elle est à cause de toi parce que tu n'es pas assez compétent. Oui, c'est ça. Tu te remets en question, en quelque sorte. Tu te remets en question. Tu te dis, oh, ben, en fait, c'est mon premier emploi. Je me suis peut-être mal prise. Enfin, tu te re-questionnes beaucoup, tu doutes beaucoup de toi-même, et donc c'est très difficile de convaincre quelqu'un d'autre de t'employer alors que tu commences déjà à douter de tes compétences. Et donc, suite à ça, c'était compliqué. Je me suis dit, vraiment, je commence à plus voir trop d'issues. Je suis vraiment mal. Personne d'autre ne voudra de moi. Je ne suis plus compétente. Et c'est vrai qu'on commence... moi, j'ai commencé à avoir... des idées sombres parce que c'est difficile, j'avais du mal à en parler, j'avais du mal à comprendre ce qui m'arrivait, j'arrivais pas à identifier ça. Et c'est vrai que voilà, c'était une période assez difficile et ma petite lueur d'espoir, c'est que j'avais un projet depuis très longtemps, c'est que j'avais envie de partir au Canada. Il y avait les Work Holiday Visa, donc les PVT, les permis de travail vacances, qui existent encore. Et c'est encore, en Belgique, c'est jusqu'à 30 ans. En France, c'est jusqu'à 35 ans. Oui, parce que tu avais quel âge à l'époque? Du coup, j'avais 26, 27 ans. J'ai commencé à travailler à 26 ans. Donc, à cette période-là, je devais avoir 27 ans. Donc je me dis, ah bon, j'ai 27 ans, si je veux... bénéficier de ce permis de travail vacances, je suis encore dans les âges, quoi. Oui. Mais c'est quelque chose qui me trottait dans la tête, mais de manière juste, mais c'était encore quelque chose qui me donnait un petit peu d'élan. Et en fait, il y a eu un grand déclic. J'avais des problèmes de voiture à cette époque-là. À un moment, j'en avais marre. Je me suis dit, je vais acheter une nouvelle voiture parce que là, c'est plus possible. Elle est tout le temps en garage, ça complique les choses. Et le moment où j'ai signé pour la commande de la nouvelle voiture, là, ça fait une explosion dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'endetter pour acheter une nouvelle voiture qui va te permettre d'aller travailler dans un job que tu n'aimes pas, où tu n'es pas bien. Et oui, parce que dans ce job que tu n'aimais pas, il y avait toute cette, je dirais, projection qui avait été faite après tes études, parce que tu as quand même fait combien d'années d'études à ce sujet? Du coup, j'ai fait 5 ans le master en psycho. Et puis après, j'ai fait une année de spécialisation pour la gestion des risques et bien-être au travail en ergonomie. Voilà, donc ça fait 6 ans de projection dans le côté, c'est un métier qui me plaît, tout. Et ton premier job que tu prends, paf, plouf, dans l'eau. Oui, et donc aussi, il y a ça. Hein, je me dis, je suis vraiment pas très résistante comme personne. Ça fait même pas 2 ans que je travaille et je suis déjà... Je suis déjà fatiguée, pas bien. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment encore cette notion que que c'est personnel, que c'est une dépression, quoi. Enfin, je n'avais pas encore fait le lien avec le travail. C'est après ces événements-là, il y a eu... Donc, quand j'ai eu mon déclic, c'est là que j'ai postulé pour le permis de travail vacances, parce que c'est le seul truc que je me dis... Donc, t'as pas signé pour la nouvelle voiture. Si, j'avais signé. Hein, c'est au moment de signer. Oui, je me suis retrouvée dans une chouette situation. Mais disons que ça a été vraiment le déclic de me dire « Ah, ça ne va vraiment pas parce que tu peux pas acheter une voiture pour aller travailler pour un... qui va te permettre de payer la voiture qui te permet d'aller travailler. » Enfin, pour moi, ça a été vraiment le truc où mon cerveau a dit « Non, là, il y a un truc qui va pas dans ta vie, quoi. » Oui. Et contrairement à la France, ça va très vite pour avoir les réponses de permis de travail et vacances. Et donc, je crois que moins d'une semaine après avoir postulé, j'ai une réponse en disant « Oh, ok, c'est bon, vous pouvez partir, vous avez un an pour vous organiser, vous partez quand vous voulez. » Donc, vous pouvez partir dans une semaine ou dans 12 mois, voilà. Là, ça a été un choc un peu parce que je ne m'attendais pas à avoir une réponse si rapide. Et puis, c'était un peu l'énergie du désespoir. J'étais là, est-ce que je vais avoir l'énergie de partir? Parce que faut savoir que là, j'étais déjà vidée en énergie. Hein. Oui. Et donc, j'ai commencé à annoncer à des amis en disant, oui, je pars. Et je me suis dit, ah, ça va me mettre une pression sociale de dire, j'ai annoncé à des gens, oui. Hein, donc je ne vais pas pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Ouais. Je l'ai annoncé à ma famille, c'était en décembre, ça. Donc je l'ai annoncé à ma famille quand c'était déjà décidé, parce que j'avais peur qu'ils remettent mon projet en question. Comme j'avais peu de confiance en moi à ce moment-là, j'avais peur que quelqu'un émette des doutes, parce que sinon ça allait faire tout s'effondrer finalement. Donc j'ai un peu mis ma famille au pied du mur en disant je pars dans 6 mois. Oui. Et finalement ils ont été très très soutenants. Ils étaient inquiets parce qu'ils voyaient que j'étais pas bien. Mais ils m'ont soutenue dans cette démarche-là. Quoi. Oui. Il faut savoir que moi, je n'étais jamais partie nulle part toute seule. Hein, donc, oui. C'est quelque chose qui me faisait vraiment très peur. Et donc, j'avais été voir ma RH. J'ai dit, écoute, Sophie, j'ai envie de partir au Canada, donc je pense à démissionner. Elle m'a dit, oh, attends, Sarah, comme ton intention, c'est de d'abord un peu voyager. Il existe la pause carrière. Donc, en Belgique, dans le public à cette époque-là, il était possible de demander une pause carrière. Donc, je gagnais 370 € par mois, je crois, si je faisais une pause carrière. Par contre, elle m'a dit, Sarah, les conditions risquent de changer en janvier. Donc, même si tu ne pars qu'en juin, il faut peut-être, il faut déjà faire les demandes et avertir mon directeur administratif, que tu pars dans 5 mois pour être sûr que ça soit accepté, que tu sois encore dans les conditions, parce qu'il risque de changer les conditions. Donc j'ai fait ça et ça a été du coup la rentrée encore pire, parce que ça veut dire que de janvier à début juin, donc pendant 5 mois, je n'avais plus du tout de travail. Donc, dès le moment où j'ai annoncé que je partais, j'ai clôturé les quelques projets que j'avais encore, et puis il n'y avait rien du tout. Et on n'attendait rien de moi. Et là, ça a été vraiment une descente aux enfers encore pire. Parce que même si j'avais quand même une projection, c'est là que j'ai eu la révélation que c'était vraiment un burn-out et une maladie professionnelle, en fait. Oui, voilà. Là, ça a été clair pour toi. Là, ça a été clair parce que j'ai eu les symptômes qui se sont accentués. Donc, certains matins, j'avais comme une paralysie, en fait, dans ma tête. Je passais tout le processus du matin, donc me lever, me doucher, m'habiller. Et puis, à un moment, je me dis, mais en fait, c'est que dans ta tête, là, tu ne l'as pas encore fait. Et donc, je refaisais ce processus dans ma tête où je passais en revue toutes les étapes. Et genre, c'était une paralysie, en fait. J'étais coincée dans mon lit et je n'arrivais pas à me lever pour le faire. Ah oui, c'est et alors, le temps passait. Oui, c'est comme le symptôme du burn-out, la personne qui n'arrive pas à se lever un matin, quoi. Oui. Alors, moi, j'avais des horaires variables. Donc, je pouvais arriver au bureau entre 7h et 9h et on pointait. Hein. Et donc, c'est vrai que je me disais, il faut que j'arrive à 7h. Comme ça, je peux partir le plus tôt possible. Mais j'étais coincée dans le lit. Et puis, à un moment, des fois... je savais que je ne savais même pas arriver pour 9h parce que j'étais encore paralysée. Donc là, je vais appeler pour dire bah je ne viens pas, et donc là, il fallait aller chez le médecin pour prendre rendez-vous, parce qu'il fallait un certificat médical. Et ça a été compliqué, j'avais le thémotèse qui s'accentuait aussi. À un moment aussi, j'ai fait une angine blanche, suivi d'une gastrite, suivi d'autres choses. Et donc, pendant 3 semaines, j'ai été absente, mais pour 3 maladies différentes. Et enfin, parce que mon corps, Oui, c'est les mêmes symptômes que le burn-out, dans le sens qu'on est toujours dans le côté physiologique du corps. Quand on met de la pression chronique, et c'est une pression chronique, hein, de que fais-je, qui suis-je, où vais-je, enfin bref, toutes ces pressions chroniques, eh ben, on développe toujours le même problème, et nos récepteurs du cerveau ne peuvent plus gérer, et ça déclenche plein de petites maladies. Voilà, donc on en est là. Ouais. On va reprendre juste après une petite pause musicale pour savoir le dénouement de la situation. Sarah, donc comme le dit la chanson, ça ira, le pire était passé. C'est un peu ça. Oui, ben, j'ai eu de la chance aussi que mon médecin traitant, une fois, a osé écrire le mot borrow sur mon certificat médical. Oui. Et là, ça a été une tempête pour moi. Au début, j'étais encore dans le déni. Hein. Après tout ce que je vous raconte, moi, j'étais toujours pas consciente de ce qui m'arrivait. Hein. Oui. Et donc, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment en colère. J'étais... Mais enfin, ça n'a rien à voir, il ne connaît rien en santé mentale. J'étais là, oh, moi je suis psychologue du travail, j'aurais quand même remarqué si j'étais en burn-out. Enfin, vraiment, j'étais en explosion, quoi. Ça avait touché quelque chose en moi. Oui, mais c'est le symptôme principal dans ces phénomènes d'épuisement, quels qu'ils soient, hein, bore, brown, burn, bah, c'est le déni, c'est le problème. Ah oui, Et je veux dire, le fait d'avoir fait des études sur la question, tout ça, ça m'a pas du tout... On peut se dire, oh, bah, elle peut reconnaître les symptômes, elle les a étudiés. Mais en fait, là, j'étais dans un... Enfin, c'était dans le déni, hein. Ça peut être évident, d'une évidence limpide. J'étais vraiment... pour moi, c'était pas possible. Donc, j'étais très en colère contre mon médecin traitant d'avoir écrit ça. Et ça m'a fait beaucoup cogiter aussi. Là. Non, mais enfin, j'aurais bien remarqué, je suis quand même psychologue du travail. Et alors, en plus, je veux dire, admettre ça, c'était encore plus remettre en cause mes compétences en tant que dans mon métier. Donc, ah bah, moi, c'est la double peine, voire la triple peine, parce que j'avais été engagée pour remédier à ce genre de problème dans mon entreprise. Donc, c'est même pas comme si j'étais à un poste où je pouvais que subir ça. J'étais dans le poste, oui, qui était censé remédier à ces problèmes-là. Donc, pour moi, ça a été vraiment la triple peine. Oui, oui, très compliqué comprends. À gérer. Oui, je comprends. C'est parce que c'était rapport avec ton métier, c'est sûr. D'autant que, voilà, ne te trouvant plus de nécessité dans ce que tu faisais, c'était compliqué, hein. Oui. Tout à fait. Oui. Et aussi, alors après, quand il y a eu cette décision de partir, j'ai eu cette culpabilité aussi d'abandonner tous mes collègues qui étaient dans cet environnement toxique. Ah, oui. Parce que c'était ma responsabilité d'améliorer ces choses-là. Ah, ouais. Ça a été compliqué aussi à vivre cet abandon des autres. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Oui. Et donc voilà. Heureusement que j'avais eu... Enfin, qu'à ce moment-là, quand j'avais vraiment plus d'énergie pour rien, que j'avais déjà enclenché la démarche de partir. Parce que sinon, je crois que si j'avais attendu cette période-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que j'aurais pas eu de perspective. Que là, il y avait cette chose qui avait été mise en place quand j'avais eu encore un brin de motivation. Oui. Et comme les choses étaient enclenchées, j'ai juste attendu que ça arrive et est arrivé ce moment où c'était mon dernier jour. Donc là, ma direction, ils sont même pas venus me voir, hein, mon dernier jour. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu de... Il n'y a rien eu pour mon départ. J'ai juste été au restaurant avec mes deux collègues avec qui j'étais au placard, quoi. Mm. Avec eux, on pouvait en rigoler un peu, mais... Et donc voilà, c'était comme ça, un peu sans cérémonie, que j'ai quitté l'entreprise. Oui, mais là, on voit à quel point ces phénomènes d'épuisement sont délétères, dans le sens qu'on remet en cause la personne et non pas la cause réelle qui est l'organisation du travail. D'ailleurs, ben voilà, t'es dans le métier exact qu'il faut pour le comprendre, mais c'est vrai que oui. Ça montre aussi une chose, c'est de l'avoir vécu, c'est pas pour autant que tu l'as vu arriver. Non, je l'ai pas vu arriver, et aussi, en fait, même quand tu es acteur du changement, tu ne peux pas agir si tu n'as pas la collaboration des managers. Oui, c'est ça, c'est pas oui. possible. Mmh. Ben, moi, j'avais encore peut-être cette illusion de la jeunesse de dire, avec la motivation, la détermination, on arrive à on peut faire changer les choses. Mais quand on est dans un système qui ne bouge pas, on peut se débattre comme on veut, on ne fera pas changer les choses. Mais oui. Ça, j'en avais pas encore conscience. Ça a été tout le processus après. J'ai eu de la chance de partir au Canada. Déjà, j'étais loin de ma zone de confort, donc j'ai pas pu être en bout de chez moi. J'avais plus de chez moi, j'étais dans un pays étranger. J'étais obligée d'aller vers les gens oui. parce que tu connais personne. Mm. J'étais loin de ma famille, ça c'était très important pour moi. J'avais besoin de pouvoir vivre mon mal-être sans avoir à les rassurer, sans qu'ils soient inquiets pour moi. Enfin, je veux dire, j'ai pu... J'ai aussi été très seule au Canada, je voyageais dans mon van, donc des fois ça arrivait que pendant une semaine, je parle à quasi personne, et j'avais besoin de me recentrer, de vivre toutes ces émotions, mais d'arrêter de les combattre en fait, parce que je me suis rendu compte que depuis des mois et des mois et des mois, j'arrêtais pas de combattre contre moi-même, contre mes pensées, de me juger, de culpabiliser. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant ce que, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est très intéressant ce que tu racontes, parce que on dit aussi que la prise de recul est une des thérapies à mettre en place dans le cas d'épuisement, et on va pas mettre de différence entre l'un ou l'autre épuisement, mais à mettre en place, parce que la prise de recul permet justement de vivre cet épuisement C'est exactement comme quand on se casse une jambe, on ne va pas aller faire un marathon. Eh ben non, on reste tranquille parce qu'on a la jambe plâtrée et que c'est nécessaire. Et là, c'est aussi la même chose, c'est qu'on doit rester avec ce mal-être et aller jusqu'au bout pour le nettoyer en quelque sorte. Oui, oui, oui, j'avais besoin de le vivre. Je me suis retrouvée aussi, j'ai appris à être plus indulgente avec moi-même, ça c'est important. Oui. Ça m'a permis aussi de reprendre confiance en moi petit à petit, parce que bah, quand on part seul comme ça, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais t'es courageuse !» Moi, je savais que c'était l'énergie du désespoir. Hein, oui, d'accord. Comme ça. Mais je dis pour les gens, ils disent « Oh, t'es courageuse, tu pars seule !» Oui, ça t'a fait quelque chose de positif. Oui, c'est ça, t'es confrontée à des choses positives, puis j'étais beaucoup dehors, à l'extérieur, ça c'est évidemment une très grande thérapie de marcher, de faire de l'exercice, d'être dehors, d'avoir le droit de le faire. Parce que quand j'étais en maladie, je n'osais pas sortir de chez moi. T'es censé être chez toi quand t'es malade. C'est ça. T'es censé être pas bien, tu vois, pour justifier que t'es malade. C'est ça. Donc, je vivais en colocation. Donc, il fallait que, si j'étais en maladie, il fallait que mes colocs, ils me voient pas bien. Oui, c'est ça. C'est un serpent qui se mange la queue, quoi, en quelque sorte. Oui, puisque, oui, puisque les thérapies nécessaires dans l'épuisement, c'est surtout, ben, justement, la remise petit à petit en mouvement, dans la nature, avec une espèce de, aucun carcan, parce que justement, cette pression, c'est ce carcan. Donc, quand on reste effectivement dans le milieu de base, ben, ça pose problème. Oui, et c'est difficile, hein, socialement. Je dis, ah, je suis en maladie, mais je vais aller me promener dans les bois. Enfin, tu vois, moi aussi, je veux bien être malade pour aller me promener dans les bois. Oui, tu c'est vois. Ça, oui. Là, j'ai eu cette chance d'avoir quand même, donc c'est 370 € par mois, en dollars canadiens, ça faisait dans les 500 $. Et franchement, j'ai très bien vécu avec ça. Moi, je pensais qu'au bout de 3 mois, j'allais devoir recommencer à travailler, que ça allait être compliqué financièrement. Et finalement... Je suis restée 1 an et demi au Canada et j'ai pas travaillé contre de l'argent pendant cette période-là. Et j'ai eu l'argent que j'avais mis de côté, il est resté de côté. Moi, je croyais qu'après trois mois, mon compte allait être vide, mais je n'y ai pas touché. Parce que tu étais avec Workaway. J'étais un peu de bénévolat, mais surtout, j'avais acheté ma voiture et j'étais dedans la plupart du temps, ou des fois, j'étais en auberge, mais finalement, ça coûtait Ma vie, attends, t'avais acheté ta voiture, non, attends, t'étais partie avec ta voiture ou avec ton van? J'ai acheté une voiture là-bas. Ah, t'as acheté une voiture là-bas? Oui, oui. Ah, d'accord, ok. Et donc, tu allais donc en bénévolat dans des endroits, c'est ça? Oui, de temps en temps, mais pas tout de suite, d'abord j'ai beaucoup voyagé, enfin j'ai fait 5 mois vraiment en itinérance, et puis après j'ai commencé à faire un peu plus souvent du bénévolat. D'accord. Et d'ailleurs, ça m'a redonné confiance en moi, parce que, il y a une fois en bénévolat, c'est mal passé, j'ai osé partir, j'ai osé dire, bah écoute, ça ne me convient pas, et je pars. Et ça a été une révélation, aussi. Bah, en fait, quand une situation ne me convient pas, je peux partir et j'y arrive, et donc... Oui. Même si c'est un bénévolat, je me suis sentie fière. Je me disais, bon, t'es pas tombée dans un truc où tu te sens mal et tu te sens obligée d'y rester ou quoi que ce soit. Enfin, j'avais réussi à proactivement mettre fin à une situation qui m'allait pas. Aussi, j'ai pu contribuer à des très beaux projets. J'ai pu voir d'autres personnes vivre dans d'autres circonstances et que ça se passait bien, et qu'ils pouvaient vivre d'une manière différente et alternative, et ça se passait bien pour eux. Donc, ça m'a beaucoup inspiré ce voyage. Oui. Et j'avais très, très peur, à la fin de ce voyage, qu'en rentrant en Belgique, surtout que j'étais encore en pause carrière, donc je pouvais reprendre mon boulot, hein, si je voulais. J'avais peur de rentrer en Belgique et que tout reprenne comme avant. Ça a été ma peur, de dire, voilà. Et quand je suis rentrée, d'ailleurs, ma famille pensait que j'allais reprendre une vie, entre guillemets, normale. Enfin, si voilà... Elle s'est requinquée, ça fait 1 an et demi. J'avais perdu 20 kilos, j'étais de nouveau en forme, etc. J'avais repris du poil de la bête petit à petit. Et ils se sont dit, ah, c'est bon, elle est guérie, elle va retourner dans le circuit. Mais en fait, j'étais pas capable de retourner dans un circuit classique non plus. Ça, et encore aujourd'hui, hein, là je me lance entrepreneuse, ça va bien, mais... Je veux dire, travailler comme ça, à temps plein dans une structure, ça, je ne l'ai pas fait depuis 8 ans. Ce que j'ai fait, par contre, j'ai travaillé, et ça m'a redonné beaucoup de confiance aussi, j'ai travaillé en Bretagne, et j'avais un temps partiel dans une association. Et là, c'était chouette parce que il y a eu beaucoup de valorisation de ma manager et de mes collègues. Donc, ça a été, c'était un temps partiel. Je pouvais un peu aménager mes horaires aussi en fonction de mes fatigues parce que depuis mon burn-out, une des conséquences, c'est des problèmes de concentration et c'est des grandes fatigues aussi que j'ai parfois. Oui, et mais ça, c'est exactement les mêmes symptômes que le burn-out. Hein. Exactement les mêmes. Tout à fait. Et donc ça, c'est resté. Donc c'est vrai que avoir un temps plein, c'est difficilement envisageable pour moi. Et j'ai cette chance aussi. Moi, j'ai pas d'enfant. J'ai pas de. Enfin, j'ai pu partir parce que j'avais pas d'enfant, j'avais pas de famille assumée, j'avais pas de. J'avais juste mon prêt de cette nouvelle voiture que j'ai revendue où j'ai perdu 2000 euros dans l'affaire. Ouais. Mais je veux dire, j'avais pas des attaches comme d'autres personnes peuvent avoir et peuvent se sentir encore plus coincées que ce que moi je l'ai été, quoi. Mm-hmm. Et puis je l'ai fait très jeune, ce qui est à double tranchant parce que quand on est très jeune, on se dit bon, qu'est-ce que ça va être mon avenir si je suis pas capable de travailler déjà à mon âge. Et en même temps, c'est une chance parce qu'on a encore toute cette résilience et de se dire qu'on n'a pas perdu toutes ces années dans une situation qui ne nous allait pas non plus. Parce que je crois que plus on atteint, plus c'est difficile de l'admettre en plus. Parce qu'on se dit, parce que réussir à sortir d'une situation, c'est aussi admettre que pendant trop longtemps, on est resté dans une situation qui ne nous convient pas. C'est ça, mais ça demande quand même une grande remise en question. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on le fait jeune, effectivement, que c'est un bon point, parce qu'après, on peut démarrer une vie sur une bonne base. La personne, c'est totalement différent, qui est en burn-out parce que ça fait 40 ans qu'elle travaille dans une administration qui, en fait, la dévalorise dans ce qu'elle fait et tout. C'est plus compliqué de partir, c'est certain. Oui, tout à fait. Mais ce que j'aimerais bien transmettre à travers ce témoignage, c'est vraiment un message d'espoir, de dire que on peut traverser des périodes très très sombres, mais ce qui est important, c'est d'oser en parler, parce que souvent l'entourage va être beaucoup plus compréhensif que ce qu'on imagine, que ce sont des problèmes systémiques et pas les raisons, les causes, elles sont pas individuelles. Enfin, s'il y a autant de personnes qui le vivent, c'est que c'est systémique, c'est pas. Ben, c'est ce qu'on dit toujours, l'IA. Hein. On parle, on a cette émission. D'ailleurs, on remercie au passage Radio Gemozo qui nous laisse l'antenne et nous exprimer, parce que c'est important d'en parler. Ben oui, il faut briser le tabou. Hein. C'est comme dans toutes les problématiques, en fait. C'est exactement ça. Et Sarah, tu nous mets de l'eau dans notre moulin, dans le sens qu'il faut en parler. En parler. Oui. Et c'est difficile dans le cas du burn-out parce que c'est très honteux. Enfin, c'est vraiment honteux. On ressent beaucoup, beaucoup de honte à le vivre. Hors antenne, il y a quelqu'un qui était là qui nous a dit qu'elle connaissait dans son entourage quelqu'un qui vivait ça. Lia, tu connais quelqu'un dans ton entourage qui vit quelque chose de similaire? Alors, non, pas personne. Enfin, peut-être pas de façon aussi prononcée. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez répandu, malheureusement. Mais moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de me sentir complètement vide de sens dans ce que je vivais, quoi, dans mon travail. C'est une pression, oui. Sur le long terme également. Oui, Sarah, je pense que en tout cas, c'est très gentil à toi de nous avoir expliqué tout ça. Et donc, quel est encore le dernier message que tu aimerais passer à nos auditrices et à nos auditeurs? Mais vraiment que quand on est dans le fond du truc, il faut se raccrocher à la petite étincelle. N'importe quoi qui donne encore un petit peu d'énergie, il faut se raccrocher à ça. Il faut se faire aider. En tout cas, et si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, il faut être bienveillant et indulgent avec cette personne-là, parce que c'est une situation subie. Ça, c'est important de le dire. C'est pas un choix d'être à ne rien faire, enfermé dans un bâtiment, à ne rien faire. C'est pas ne rien faire. C'est peut-être pas tout à fait la définition qu'il faudrait mettre, mais faire des choses de relative inutilité. Vide de sens. Et que ça demande beaucoup d'énergie parce qu'on va chercher comment combler ça et qu'on se combat soi-même. Puis accepter. Accepter ça, accepter de vivre des émotions négatives, accepter toutes les parties qu'on n'aime pas chez soi, il faut les accueillir finalement, accueillir ça. Et puis ce que tu as dit également, de la bienveillance avec soi-même. Oui, arrêtez de se combattre. Il y a rien de plus épuisant que de se battre avec soi-même, hein, parce qu'on perd dans tous les cas. Hein. Oui, c'est certain. Et puis la bienveillance, on perd dans tous les cas. Dans tous les sens, avec soi-même, et puis retrouver des personnes bienveillantes donne de l'énergie. Oui, et puis il faut se dire que des fois, c'est l'environnement qui ne vous met pas en valeur aussi. Enfin, je veux dire, la valeur, on se la donne aussi quand on est dans un bon environnement qui nous convient. Eh ben, tout de suite, on va être mieux mis en valeur, comme un objet, comme la décoration. Enfin, c'est vraiment la même chose, où c'est l'environnement qui va donne. Faire en sorte que ça vous met en lumière ou non. Et donc, faut pas se dire que c'est intrinsèquement nous qui sommes pas de valeur, mais c'est... Oui. C'est qu'on n'est pas à notre place. Voilà. Oui, mais c'est difficile, comme tu l'as si bien dit, difficile de le reconnaître, difficile de s'avouer que c'est quelque chose qui peut arriver parce que ce n'est pas entendable. Tu l'as bien dit, oui. Ça, ce n'est pas entendable. Ce n'est pas entendable. Ben non, on ne peut pas dire, tu as plein de... Et pour ma part, il y a 20 ans, quand j'ai fait mon burn-out, c'était pareil. On était tellement dans un environnement extérieurement brillant que si on venait à se plaindre, on était des cracheurs dans la soupe. Ça se fait pas, oui. Quoi. Et ça, c'est terrible, parce que c'est exactement comme dans les cas d'abus, hein, sexuels ou autres, quand on n'est pas reconnu, hein, quand on nous demande « Ah oui, mais comment tu t'habilles ? Tu mets trop de rouge à lèvres ?» Ben, c'est un peu la même chose. « Ah oui, mais attends, tu as des bonnes conditions, tu as des bons avantages, peut-être bien, mais je suis quand même considérée comme une rien du tout. » Et ça, c'est horrible. Oui, et les conséquences psychologiques, elles sont à long terme aussi. Donc ça, il faut accepter que traverser une épreuve comme celle-là, on n'en sort pas indemne et on ne sera jamais plus comme la personne d'avant. Oui, ça, ben, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut avancer, quoi. Oui, c'est. Écoute, je pense qu'ultérieurement, on prendra, quand tu passeras une fois nous voir, ton témoignage pour le mettre dans l'émission « Il était une fois le burn-out ». Seulement, quand on écoute bien tout ce que tu dis, c'est exactement la même chose qu'un burn-out. Le bore-out, tu ne t'en remets pas comme ça du jour au lendemain et tu gardes quand même bien des séquelles. Ben voilà. Je vous remercie. Je te remercie beaucoup, Sarah. Lia aussi, je te remercie à la technique. Ben avec plaisir, comme merci toujours. Voilà. Merci à toi, surtout. Voilà. Et à Sarah, je dis à très bientôt de se revoir. Et là, je remercierai toutes les auditrices et les auditeurs de nous avoir écoutés sur cette façon éclairante qu'a eu Sarah de nous raconter ce qu'était un bore-out. Tout à fait. Merci, Sarah.